Psaume 117. Toute nation, louez l'Éternel, tout peuple, célébrez-le. Car sa miséricorde est grande envers nous, et la vérité de l'Éternel demeura toujours. Louez l'Éternel.